Ça vient tout de suite jouer à fond la caisse. Je voudrais vous dire que ce soir je pars en délire. Ta-da-da-da-da-da-da. Y'en a qui rêvent des gosses au fond des HLM. Y'en a qui roulent leur bosse du Brésil en Ukraine. Y'en a qui font la noce du côté d'Angoulême. Mais y'en a qui m'imitent dans la rue à la maîtresse des panneaux. Et y'en a qui en peuvent plus de jouer les sexes en bas. Y'en a qui font l'amour au fond de la bagnole. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle voix de rouge. Mademoiselle chante le blues. Le métro, mais tu es obligé de le suivre ici, en particulier à cause de la latence. Kevmo, ok, avec 12 drums. Bon. Alors, comment on va faire les drums? Maybe, si je prends ma tasse à café. Si on suivait le métro. Je suivais le métro. Excellent. Excellent, Antonio. Computer, because there I have some drums. Sorry. Ooh, j'ai tout ça sur une clé USB. Thank you.

Thank you.